Chapitre 9e, Armande. Maurice n'était pas à Plorac depuis 8 jours qu'il éprouva un calme depuis longtemps étranger à son âme et qu'il fut tout surpris de ressentir encore. En se retrouvant dans cette maison où s'était écoulé le meilleur temps de son enfance, son cœur se desserra et s'attendrit. En sortant dans le village où tout le monde le connaissait, où il ne s'arrêtait pas sans entendre quelques paroles d'amitié, où il ne rencontrait pas un paysan sans échanger un salut affectueux, il se sentit moins seul. À table, ayant à ses côtés Armande et le docteur, et en face de lui Martel, il lui sembla qu'il avait une famille. Il comprit pour la première fois les douceurs de la paix et de l'habitude qu'il avait si souvent, lorsqu'il voulait partir pour Paris, raillé et insulté. Comme autrefois, le soir réunissait les vieux amis pour le whist inévitable et traditionnel. Armande disposait les fiches, allumait la lampe, avançait les 3 fauteuils et présentait les cartes aux joueurs. Puis, lorsqu'ils étaient en place, elle venait rejoindre les jeunes gens et dans un coin du salon, autour d'une petite table à ouvrage, on causait joyeusement à mi-voix. Dans les moments de silence, on entendait les bruits bien connus du village et au loin, le mugissement de la mer. Au milieu de cette vie uniformément heureuse, l'engourdissement se faisait dans le cœur de Maurice. Autour de lui, il ne voyait que des visages toujours calmes et souriants, et lui-même, insensiblement, il s'habituait aussi au calme et au sourire. De tous ceux qui l'entouraient, le seul avec lequel il ne se sentait pas entièrement à son aise, c'était Audren. Il y avait dans ce jeune homme quelque chose de hautain et d'interrogateur qui, chez les autres, arrêtait l'abandon, et malgré ses efforts et ses avances, Maurice n'avait encore rencontré en lui qu'une froideur et une contrainte qui, tout d'abord, l'avait surpris, bientôt l'avait blessé, bientôt aussi l'avait refroidi lui-même. Cependant, la nature du jeune Breton était droite et franche, mais son éducation, en exagérant ses qualités, en avait fait presque des défauts. Élevé jusqu'à 16 ans près de son père, il n'avait point eu de guide, point de règle, point d'exemple. Car en vertu de certaines idées de rang et de dignité, le baron, qui cependant pratiquait fort peu ses idées pour lui-même, n'avait pas voulu que son fils fît amitié ou camaraderie avec un seul des enfants du village, et en vertu aussi de son mépris pour l'instruction, il n'avait pas daigné l'envoyer soit au collège de Vannes, soit au séminaire de Sainte-Anne-d'Auray. Le seul maître d'Audren avait été un vieux clerc, qui lui avait appris à lire et un peu à écrire, et l'enfant s'était formé comme il avait voulu, passant son temps dans le désœuvrement, regardant les petits paysans rire, s'amuser et se querler entre eux, et quand son père était absent du château, s'échappant pour aller courir la campagne et tuer des mouettes sur la falaise. À la mort du baron, quand son frère, lui expliquant qu'il était sans fortune, lui avait demandé ce qu'il voulait faire, il avait répondu « être soldat ou marin ». Monsieur de Tréfléant l'avait conduit au collège de Saint-Brieuc. Il s'en était échappé 8 jours après. On l'y avait reconduit, il s'en était échappé une seconde fois. « Monsieur, avait-il dit à son frère, je suis trop grand pour me soumettre maintenant à la vie de collège, et je n'ai rien fait pour qu'on me mette en prison. Puisque vous dites qu'il faut que je travaille, je vous prie de m'apprendre ce que je dois savoir, je vous promets de vous écouter et de vous obéir avec reconnaissance. » Pour ne pas le pousser à quelques coups de tête, M. de Tréfléant l'avait gardé près de lui. « À 20 ans, nous l'embarquerons, avait-il dit au docteur. Avec ce que je lui aurai appris, il tâchera de faire son chemin. » Malgré ses promesses d'attention et d'obéissance, Audren avait eu bien de la peine à se plier à la vie nouvelle de travail et de discipline que son frère lui avait imposée. Mais ce que, même après plusieurs mois d'efforts, il n'avait pu vaincre, c'était son embarras devant le monde et sa sauvagerie. La gravité des 3 amis l'intimidait. Leurs habitudes sérieuses le mettaient mal à l'aise. Leurs entretiens l'étonnaient et le plus souvent l'humiliaient quand il ne les comprenait pas. Et au lieu de répondre à leurs avances, il se rejetait en arrière et s'éloignait d'eux le plus qu'il lui était possible. Madame Berthaud elle-même n'avait pas trouvé grâce devant lui. Tout le temps qu'il avait de libre, il le passait soit avec le père Gouriou, le vieux Barz, qu'il amusait par ses récits et ses chansons, soit avec le lieutenant de la douane, qui l'emmenait sur la patache faire de longs courses en mer. Cela avait duré ainsi jusqu'à l'arrivée d'Armande. « Nous n'en ferons rien, » avaient dit les vieux amis, « c'est un trop digne fils du baron. » Mais alors un changement s'était produit en lui. La bonté de la jeune fille l'avait apprivoisé. Avec elle, il s'était senti moins gauche et moins timide. Elle l'avait fait parler. Ils avaient joué ensemble comme 2 enfants qu'ils étaient. Elle lui avait révélé ce qu'il y a de bon dans le monde. Le rire, la confiance, l'amitié. et il l'en avait aimé avec l'exaltation d'un cœur qui, pour la première fois, s'ouvrait à la reconnaissance. Pour lui plaire, il avait fait ce qu'il la voyait faire, et la prenant pour maître, se réglant sur elle, il s'était efforcé de dompter sa paresse pour les choses de l'esprit. « Mon sauvage commence à parler, » dit un jour M. de Tréfléant. « Il travaille. Il m'a même demandé combien il faudra de temps de service en mer pour devenir officier. » « Son père l'avait abruti, » dit le docteur. Encouragé par Armande, récompensé par une bonne parole, il était le plus heureux de la terre. Mais la maladie de Madame Berthaud, en supprimant les soirées de jeu, avait brusquement interrompu ce bonheur. En ne voyant plus Armande, en la sachant près d'un autre, il avait compris la nature du sentiment que, jusqu'à ce jour, il avait cru une amitié ardente, et c'était la jalousie qui lui avait révélé à lui-même son amour. Avec l'enfance, l'amitié fraternelle s'en était allée. Il avait alors un peu plus de 18 ans, et Armande en avait 16. Pendant le temps que Maurice avait passé à Pleurade près de sa mère, il était retombé dans une tristesse plus douloureuse que ne l'avait jamais été son isolement d'autrefois, et il avait fallu le départ de Maurice pour calmer le désordre de ses idées et dissiper son découragement. Mais lorsqu'il l'avait vu revenir une seconde fois avec Martel, lorsqu'il avait entendu le docteur annoncer un séjour d'un mois, il n'avait point été maître de sa colère. Et c'était alors qu'il avait fait aux deux amis l'accueil qui les avait si étrangement surpris, car il avait tout de suite pressenti que ces étrangers allaient lui déranger sa vie, et il n'avait pu cacher son mécontentement. Puis, se comparant à eux et leur prêtant des avantages et des séductions qu'il redoutait plutôt qu'il ne les leur voyait réellement, il avait souffert dans son amour-propre. Ses craintes ne s'étaient point arrêtées là. Au milieu de ces deux hommes qui le dominaient par l'âge, la parole et le savoir-vivre, il lui avait semblé qu'il ne serait plus rien. Effrayé d'un voyage dont il ignorait le but et dont les vrais motifs lui échappaient, il avait cru Armande perdue pour lui. Malheureux dans son orgueil, inquiet dans son amour, il n'avait pu, malgré sa volonté de vivre amicalement avec celui qu'il savait l'ami de son frère, dompter sa jalousie. De là, ses manières hautaines, presque insolentes. Chaque jour, d'ailleurs, lui avait donné de nouveaux motifs de chagrin et de tourment. Car chaque jour avait rendu l'intimité entre Armande et les deux étrangers plus vive et plus complète. Maurice, qui était arrivé plein de sympathie pour la jeune fille, n'avait pas tardé à sentir cette sympathie s'accroître. Il n'avait eu d'ailleurs qu'à ouvrir les yeux pour voir son heureuse influence, non seulement sur le docteur, sur l'abbé, sur M. de Tréfléant, mais même encore dans les plus petites choses de la vie. Ainsi la maison n'était plus dans ce désordre et ce pêle-mêle d'un intérieur sans femme. Il y avait des rideaux aux fenêtres, les araignées avaient été abattues, le bonnet de Marie-Ange ne traînait plus dans le salon, les habits de monsieur avaient abandonné la salle à manger, tout était en ordre, propre, luisant, coquet, et quand il faisait de l'orage, le docteur ne parcourait plus toutes ses chambres en criant à tue-tête « Marie-Ange, Louise, Jeannette, fermez les fenêtres, ça claque, mes filles, ça claque !» Le docteur lui-même n'allait plus par les rues du village avec son grand paletot déchiré. À table, il ne se mettait plus en colère pour se faire servir suivant ses manies. En face de lui, Armande épiait ses désirs, et ce n'était que quand son rôle de maîtresse de maison était fini qu'elle redevenait la petite fille de 16 ans et se sauvait dans le jardin. Martel aussi faisait sa partie dans ce concert de louanges, et un soir que, parlant d'elle avec Maurice, il s'était écrié « Quelle charmante fille! S'il ne fallait pas l'épouser, on l'aimerait de tout son cœur. » Celui-ci l'interrompit assez brusquement. « Rappelle-toi, je t'en prie, chez qui nous sommes. Mon emploi n'est pas celui des séducteurs, et tu voudras bien, s'il te plaît, me faire l'amitié de croire que je suis incapable de tromper une jeune fille. Quant à l'épouser, tu peux avoir la même confiance. Au surplus, il faudrait qu'elle voulût de moi, et dans ce cas, son grand-père n'en voudrait pas. Il a sur les artistes des idées. Que je partage. Les artistes ne sont pas faits pour se marier. J'ai là-dessus des opinions qui, si tu les connaissais, pourraient te rassurer. Qu'on fasse la cour à une femme, qu'elle vous repousse ou vous encourage, se défende ou s'abandonne, c'est parfait. Dans tous les cas, elle est prévenue, et c'est à merveille ce qu'on lui demande quand on lui dit « Madame, je vous adore. Et je vous conjure de permettre à mon âme d'adorer votre âme. » Avec une jeune fille, c'est autre chose. Mademoiselle Armande peut donc être bien tranquille, ou plutôt tu peux l'être pour elle. D'ailleurs, je te le répète, j'ai une théorie sur le mariage comme j'en ai une sur l'amour. La veux-tu, ma théorie? Donne toujours, ça me fera peut-être rire. Nous allons voir. Un arbre, c'est l'homme, s'élève, jeune et fort, à son pied rampe un lierre. Ce lierre, c'est la femme. Un jour, l'arbre dit au lierre « Appuie-toi sur moi, je te soutiendrai. » Le lierre accepte. C'est le mariage. Les premières années sont charmantes. Le lierre enlace le tronc de l'arbre et lui fait une parure de son propre feuillage. L'arbre reçoit de cette union une nouvelle beauté. Petit à petit, le lierre monte, il gagne les branches, il gagne les feuilles, il gagne les fleurs, il gagne les fruits, il les enserre, il les recouvre, il les étouffe. L'arbre a disparu complètement. Cependant, il veut lutter. Il pousse encore de longues et faibles branches. Aussitôt, le lierre les atteint et les tue. Alors, l'arbre sèche en commençant par la tête. Puis la mort pénètre au cœur, et il ne tarderait pas à tomber en pourriture si le lierre, qui en réalité a besoin d'un appui pour vivre et pour briller, ne le soutenait, en lui donnant un aspect riant et jeune, et en lui prêtant à son tour sa force et sa vie. Cette fable montre qu'il ne faut pas devenir un échalas. J'espère que maintenant tu me laisseras tranquille avec tes observations. Fais-moi le serment de te détacher un jour de Madame Baudistel de Lannilis et peut-être d'autres pays déjà. Et je te le fais moi-même de ne m'attacher jamais à Armande autrement que d'amitié. Jures-tu? Si je pouvais. J'aurais beau faire, je ne l'oublierais jamais. Si j'avais bien fait, je me serais tué. Au moins, je me serais vengé en lui laissant le remords. Une nouvelle illusion à mettre avec les autres. Crois-moi, elle est trop forte pour avoir des remords. Tu lui aurais laissé un joli sujet de plainte et un éternel motif à élégie, voilà tout. Enfin, je ne souffrirai plus. Crois-tu que je ne me dévore pas à l'attendre? La raison me dit que c'est insensé de chercher à la voir, et quand elle sera revenue, je risquerai tout pour une heure d'entretien. C'est une monomanie. Moi, j'aime mieux voir et regarder à mon aise la chère enfant qui est la joie de cette maison. Je ne connais pas Madame Baudistel, et tout de suite je t'affirme que je n'ai pas la plus petite envie de faire sa connaissance. Mais je doute fort qu'au temps même où elle t'aimait, elle pût avoir cette gentillesse et cette bonté. Si tu étais sage, tu ferais comme moi. Tu aimerais Armande seulement des yeux. Et comme nous sommes à l'abri de toute autre espèce d'amour, toi par les souvenirs, moi par mes opinions matrimoniales, nous serions les plus heureux du monde. Il n'y a plus de bonheur pour moi, dit Maurice, car il n'y aura jamais pour moi d'autre femme que Marguerite. Il était sincère en parlant ainsi. Cependant, il trompait Martel et se trompait lui-même, car non seulement il commençait à voir une femme dans Armande, mais encore à la voir jeune et jolie, c'est-à-dire telle qu'elle était réellement. Petite, plutôt que grande, elle était de cette taille gracieuse qui permet de faire, de la femme aimée, un joug facile à soutenir et à porter. Bien prise, cependant, bien modelée, mais avec une apparence mignonne. Sa tête ronde était couverte d'une épaisse chevelure blonde. Elle avait coutume de la relever en une torsade unique. Mais cette coiffure si simple recevait d'elle grâce et gentillesse à la fois, car, trop fin et trop fourni, les cheveux ne pouvaient tous s'enrouler autour du peigne. S'échappant de petites boucles crêpées, ils frémissaient au plus faible souffle, et toujours exposés à la lumière qui les traversait en les dorant, ils prenaient une nuance encore plus vive. Sous ces flocons légers, le front était haut et large. Les paupières s'ouvraient sur de grands yeux humides et veloutés. Le nez était petit, un nard immobile et retroussé sur les bords. La bouche, bien fendue et arquée dans les coins, laissait voir, entre des lèvres où le sang abondait, de rangées de petites dents blanches teintées de bleu. Le cou soutenait bien la tête et, par des lignes molles et arrondies, la joignait à un corsage où il n'y avait encore que des promesses, mais des promesses à qui la fraîcheur et la solidité du tissu, la finesse de la taille, la largeur des épaules, le développement des hanches et l'harmonie générale assuraient une réalisation prochaine. Ainsi faite, elle pouvait passer pour jolie et même pour belle. Elle n'était cependant pas irréprochable. Les contours du profil manquaient de pureté. Le nez paraissait un peu court, la tête trop volumineuse. Mais telle qu'elle était, on ne pouvait plus l'oublier lorsqu'une seule fois on l'avait vue. Et lorsqu'on était en face d'elle, il fallait faire effort pour en détourner les yeux. Qu'elle fût triste ou qu'elle fût joyeuse, il était toujours bon de la regarder. Elle avait une de ces beautés qui gagnent le cœur et le réjouissent. Sur son visage se peignaient les mouvements de son âme et de son esprit. Mieux que des paroles, sa physionomie franche et mobile disait clairement ses sentiments, ses chagrins, ses émotions. Ses yeux, limpides et profonds, laissaient lire jusque dans son cœur. Lorsqu'ils étaient animés par la joie ou par le désir, il paraissait comme doublé d'un miroir qui réfléchissait la lumière et inondait de ses rayons le regard ébloui. L'expression générale de sa physionomie était la douceur et la gaieté. Dès le premier coup d'œil, on se sentait attiré vers elle et sympathiquement touché. Mais ce qui faisait son charme le plus puissant, sa grâce la plus séduisante, c'était son sourire. Il était si bon, si sincère, si irrésistible, que 10 fois par jour, son grand-père se mettait en peine d'esprit pour le voir s'épanouir sur le frais visage de sa fille. Et lorsqu'il avait obtenu ce résultat, ce qui n'était pas difficile, il déclarait qu'il ne connaissait pas de plus délicieux plaisir que de la regarder cligner à demi les paupières, gonfler ses petites joues rougissantes et mordiller entre ses dents sa lèvre rose qui se frangeait de carmin. Maurice avait été longtemps à voir Armande ainsi, mais par un concours assez naturel, à peine s'était-il mis à l'observer que chacune des beautés matérielles qu'il lui avait reconnues s'était présentée accompagnée d'une beauté morale. La trouvant jolie, il l'avait en même temps trouvée bonne. Sa chevelure était dorée et soyeuse. Son cœur avait été généreux et passionné. Ses yeux étant grands, limpides, lumineux, son esprit avait été vif et enjoué. Sa bouche appelant le regard, son caractère avait été doux et facile. Sa peau étant mince, transparente, d'une blancheur lactée, ses lèvres fraîches et charnues, ses joues veloutées de vermillon, sa démarche aisée, son air simple et franc, elle avait eu tous les charmes de l'âme, toutes les grâces, toutes les puretés, toutes les tendresses, tous les dévouements. Lorsqu'on est une fois sur ce chemin, on va vite, car chacune des découvertes que l'on fait vient grossir le verre avec lequel on regarde, et Maurice ne s'était pas arrêté. De la curiosité, il avait passé à l'intérêt, de l'intérêt à l'amitié, de l'amitié à un sentiment qu'il ne s'expliquait pas bien lui-même, mais qui chaque jour le rapprochait davantage d'Armande. Maintenant, il ne s'éloignait presque plus du château, et refusant courses, promenades, parties de chasse et de pêche, il demeurait près du docteur, qui bientôt, et de lui-même, lui offrit une excellente raison pour justifier cette fausse nonchalance, et restait ainsi près d'Armande sans manquer aux convenances. C'était un soir après dîner. Tous trois, assis sous une tonnelle, où de vigoureux rosiers de banque cachaient leurs fleurs dans de vertes guirlandes de houblon, ils regardaient le soleil se coucher sur la mer. L'horizon était fermé par une ligne violette qui, montant dans le ciel, se divisait en un essaim de petits flocons blancs rosés sur leurs contours. Au milieu d'un amas de nuages, le soleil, sans rayons, lançait des lueurs rouges et sanguinolentes. Prêt à se perdre dans les flots, il transperçait ces brumes épaisses et, coupé en haut par un rideau presque noir, en bas par le vert sombre de la mer, il éblouissait les yeux et les brûlait. Le vent soufflait doucement. Les nuages s'entassaient, se séparaient et se déchiraient comme des tourbillons de fumée. Au loin, la mer moutonnait çà et là, et au pied des falaises, à perte de vue, s'étendait un long cordon d'écume qui couvrait la grève d'une mousse blanche comme la neige. « Voilà ce qui m'a fait habiter le bord de la mer, » dit le docteur, « les couchers de soleil. C'était un des plaisirs de ma jeunesse, et même c'en était peut-être le plus doux. Lorsque ma journée était finie, que mes visites étaient faites, que nous avions dîné, ma bonne Louise et moi, nous nous mettions à notre fenêtre, et nous regardions le soleil disparaître dans la mer. Nous restions là longtemps, appuyés l'un sur l'autre. Elle avait 20 ans, moi j'en avais 30. Quand le jour était tombé, elle s'asseyait à son piano, je m'allongeais dans un fauteuil, et elle me jouait les airs que nous aimions tous deux. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Il y en a 38 que ma pauvre femme est morte. Je suis vieux, triste, endurci, égoïste. Cependant, le soir m'émeut et m'attendrit toujours. À ce moment-là, je redeviens vivant. J'ai la santé, la gaieté, la jeunesse, j'ai ma femme. Et pour que je me retrouve le plus heureux homme du monde, il ne me manque que mes vieux airs, qui, en prolongeant mes souvenirs, redoubleraient leur netteté et leur émotion. Eh ! Interrompit Maurice, que ne m'avez-vous dit cela plus tôt, si j'avais un peu de talent ? Tu en as beaucoup trop, voilà justement, mon garçon, pourquoi je ne t'ai jamais demandé ce que tu m'offres aujourd'hui. Je suis trop perruque pour toi. Votre musique m'étonne, mais je ne la sens pas. Elle force mon esprit à l'applaudir, elle laisse mon cœur indifférent. J'en suis resté à Grétry, à Boieldieu. Guillaume Tell et les Huguenots sont peut-être de grandes choses, mais je donnerai toute leur beauté pour la chanson de Blondel. Arrachant Guillaume à ses fers me paraît superbe, mais Robert d'Isaclair me fait pleurer. Tu me diras que mes opinions musicales ne sont que des souvenirs d'amour. Eh bien, j'aime mieux ressentir une fois encore ces impressions que de devenir dilettante. Je te remercie de ta bonne proposition, mais depuis longtemps j'ai renoncé à la musique. Votre beau n'est plus mon beau. Cependant, il a été un moment où j'ai presque espéré retrouver mes soirées d'autrefois. C'est quand Armande est arrivée. Espérance bientôt déçue. Grâce à l'éducation tronquée que lui avait fait donner monsieur son père, elle en était restée au quadri de pension. Et ce que je voulais d'elle était dès lors impossible. Ici, nous étions tous des ânes. Il aurait fallu faire venir de Morlaix ou de Lannion quelques bons professeurs. Et comme un mauvais croque-note aurait pu seul consentir à faire 12 lieues pour donner une leçon, je renonçais tout de suite à mon projet et me rejetais sur mes couchers de soleil. Toujours à la mode et du même beau aujourd'hui qu'il était il y a 30 ans, il a pu me contenter. Maintenant, mon seul désir est qu'il ne fasse pas de grise journée, pluie ou brouillard. Dès le soir même, Maurice demanda à Martel une feuille de papier à dessin, et réglant cette feuille, il y traça un certain nombre de croches et de doubles croches. « Tu travailles, bravo. Madame Baudistel est en baisse. Je crois qu'elle commence à s'estomper dans un lointain brumeux. » Maurice ne travaillait point encore, seulement il pensait à Armande. Et le lendemain, profitant d'un moment où il était seul avec elle dans le salon, il déplia son papier et la pria d'essayer de le lire. Elle le déchiffra, à peu près. Il la pria d'essayer de le jouer. Elle se mit au piano, et s'arrêtant, recommençant, se corrigeant, elle joua tant bien que mal. « Si vous voulez me permettre de vous donner quelques conseils, dit-il, bientôt, je l'espère, vous pourrez rendre votre bon papa heureux, et lui chanter les chansons qu'il regrettait hier soir. » Comme le docteur entrait en ce moment, surpris d'avoir entendu le piano. « C'est mademoiselle Armande, » continua Maurice, « et si vous voulez que pendant mon séjour ici, je sois le maître que vous auriez été chercher à Morlaix, peut-être le projet dont vous nous parliez pourra-t-il se réaliser. » Armande jouerait du Grétry, et du Méhul, et du Père, et du Boieldieu, et de l'Adam. Aussitôt qu'il eut obtenu cette permission, il visita le piano, et lorsqu'il eut remis à neuf le vieil instrument, ils commencèrent à étudier. Il n'avait voulu que se ménager une occasion d'être souvent avec Armande, près de laquelle il oubliait ses chagrins et ses souvenirs. Mais bientôt il se vit entraîné plus loin qu'il ne l'avait prévu, et même qu'il ne l'aurait voulu, car la condition la plus favorable à une dangereuse intimité, c'est le travail à deux. D'élève à maître, le danger n'est guère à craindre, l'orgueil ou la haine empêchent cette intimité. Mais Maurice n'était pas un maître pour Armande. Ils étaient deux amis qui étudiaient ensemble, un jeune homme de 24 ans et une jeune fille de 17, l'un enseignant avec indulgence et plaisir, l'autre écoutant avec une soumission curieuse et reconnaissante. C'était dans le grand salon qu'ils travaillaient. Souvent, M. Michon restait près d'eux. Souvent aussi, il les abandonnait pendant des heures entières. Dans les premières leçons, Maurice avait eu besoin de toute son attention pour suivre et pour guider Armande, qui, ayant abandonné la musique depuis longtemps, avait grand-peine à se reconnaître, mais en peu de temps, grâce à une constante volonté, elle avait regagné ce que 3 années d'interruption lui avaient fait perdre. Alors, n'étant plus obligé de la suivre pas à pas, il s'était parfois oublié en d'étranges distractions. Près d'elle, pensant à elle, il étudiait avec un plaisir auquel il ne donnait pas encore de nom, mais que déjà il ne se cachait plus à lui-même. Tandis qu'elle se mettait l'esprit et les doigts à la torture, il n'écoutait guère ce qu'elle exécutait et songeait à toute autre chose qu'à l'encourager ou à la reprendre. Les yeux fixés sur les touches, il suivait complaisamment les doigts qui les frappaient et, absorbé dans une muette contemplation, il regardait amoureusement ses mains qu'un homme, esclave de la mode, eût sans doute dédaigné comme trop grosses et trop rouges, mais qu'il était assez artiste pour estimer à leur valeur et trouver d'une beauté aussi réelle que peu commune. Ce qui eût choqué un esprit moins rompu aux distinctions du joli et du beau était précisément ce qui le séduisait. C'était cette teinte rosée et cette transparence qui n'appartiennent qu'à la jeunesse. C'était des doigts légèrement charnus, s'amincissant en fuseau, où l'on pouvait compter toutes les veines, où, sur chaque articulation, se creusaient de mignonnes fossettes, où les ongles n'étaient point allongés et taillés en amandes, mais courts, carrément coupés, et s'incarnant dans la chair qui leur faisait une fine bordure comme dans les belles mains antiques. À regarder ses mains, que Martel avait 3 ou 4 fois déjà dessinées, pour les offrir, disait-il, à la Vénus de Milo, il oubliait son rôle de professeur, il s'oubliait lui-même, et pour le ramener dans le vrai de la situation, il fallait qu'Armande, étonnée de son silence, se retournât vers lui. Alors il reprenait Armande, lui faisait de longues explications et s'étourdissait de son propre bavardage. Mais bientôt, au lieu d'aller jusqu'au pupitre, son attention s'arrêtait en chemin. Assis près d'elle, se penchant sur elle, au point qu'avec son haleine il faisait trembler les petites mèches du duvet qui frisaient sur le cou d'Armande. Ses yeux étaient attirés par la blancheur de ce cou, il s'y attachait et ne pouvait plus s'en détourner. Il regardait ses cheveux tordus et enroulés comme un long serpent doré autour du peigne qui s'y enfonçait. Il les regardait, soigneusement retroussés, se relever jusqu'au chignon et laisser à nu, entre leurs dernières racines et le col de toile qui rabattait sur la robe, une large ligne de chair où, sous la peau blanche, fine et lisse, on voyait le sang courir. Il regardait ses épaules qui s'arrondissaient déjà. Il regardait sa taille ondoyante et flexible dans son corset, et jusqu'au pli que sa jupe faisait en tombant à terre, il les contemplait, il les admirait, il les regardait avec bonheur. Cependant, ce n'était pas la première fois qu'il voyait une femme à un piano, et qu'il restait à ses côtés seul avec elle. Si toutes ces femmes l'avaient laissé indifférent et froid, pourquoi donc Armande le troublait-elle si profondément? N'était-elle pas une simple amie, une camarade, une sœur? Sœur, elle l'avait peut-être été dans les premières semaines, mais il fallait bien l'avouer, avec le temps, chaque jour, elle l'avait été un peu moins. Maintenant, elle ne l'était plus. Aux influences matérielles qu'il avait ressenties en la contemplant, s'en étaient jointes d'autres plus puissantes, qui avaient commencé à éclairer sa tendresse. De leur échange continu de paroles, de leur contact habituel, était sortie une communauté d'idées et de pensées plus dominatrices que toutes les excitations physiques, et qui, aux heures où elle était loin de lui, le forçait à penser à elle, à s'interroger sur ses désirs, à se demander si le sentiment de joie qu'il éprouvait lorsqu'elle était présente, de chagrin lorsqu'elle était absente, ne dépassait pas les bornes d'une simple amitié, aussi grande qu'elle fût, et si ce n'était pas de l'amour. Mais pour cet examen, il n'était et ne pouvait être que bien peu impartial, car la douleur, comme la joie, a l'orgueil de la constance éternelle, et ne croit aux consolations que longtemps après qu'elle est déjà consolée. Comment aurait-il admis l'amour pour une autre, lorsque son cœur saignait encore? Comment aurait-il aimé Armande lorsqu'il se persuadait de très bonne foi ne vivre que pour Marguerite? Une souffrance aussi terrible que la sienne pouvait-elle se guérir? Une passion aussi violente pouvait-elle s'évanouir? Ce qu'il éprouvait pour Armande, c'était tendresse, c'était amitié, c'était sympathie, ce n'était point amour. L'amour, c'est l'abattement qui le brisait lorsqu'il se rappelait son abandon. C'était la fièvre qui le brûlait lorsqu'il se rappelait son bonheur. C'était les joies de Montmorency, les ivresses de Naples, les voluptés de Paris. L'amour, c'était Marguerite. La douce voix qui, depuis son arrivée à Plorac, avait endormi sa douleur, le sourire qui lui avait rendu le sourire, les tendres soins qui l'avaient attendri, les promenades dans le jardin, les longs entretiens, les tête-à-tête au piano, ce n'était point l'amour. Armande, avec sa jeunesse, sa gaieté, sa grâce, son esprit, sa bonté, non, ce n'était point, ce ne devait point être de l'amour. Près d'elle, il n'avait jamais eu de ces élans qui autrefois lui avaient fait serrer Marguerite à l'étouffer dans ses bras. Et loin d'elle, il n'avait pas ces prostrations, ces accablements qui autrefois l'avaient si souvent anéanti. Et fâché contre lui-même de ses doutes et de ses interrogations, qui amoindrissaient sa passion pour Marguerite en le forçant à la discuter, il tâchait de se dire qu'Armande n'était rien pour lui, que près d'elle et pour se mettre à l'abri des surprises, il ne devait penser qu'à Marguerite, et qu'il ne devait plus s'abandonner à des joies qui en réalité n'étaient que mensonges et illusions. Mais c'était en vain qu'il jurait de se contenir et de s'observer. S'il voulait lui parler froidement, dans sa voix on sentait la tendresse, dans son geste l'embarras. S'il essayait de la regarder indifféremment, dans ses yeux on voyait l'émotion et le plaisir. S'il disait des choses banales, l'intonation les rendait douces et intimes. S'il se taisait en fixant la terre, il s'échappait de ses paupières, qui se relevaient malgré lui, de chauds rayons plus éloquents que les paroles. Cependant, il se contenait jusqu'au moment où Armande lui souriait, lui parlait d'une certaine manière, et alors il était vaincu, car si sa volonté pouvait commander à ses yeux et à ses lèvres, elle était sans puissance sur son regard et sur son cœur. Jamais il n'eut mieux conscience de ses sentiments qui s'agitaient en lui qu'un jour qu'Audrey avait été retenue à dîner. Ce n'était pas l'habitude que celui-ci, hors les jours de cérémonie, dînât au château. Aussi, lorsque Maurice, rentrant, aperçut cinq couverts sur la table, fut-il assez surpris et se tournant vers Armande. « Est-ce que nous avons monsieur le curé aujourd'hui ? » demanda-t-il. « Non, c'est Audrey. » « En l'honneur de quelle fête ? » Il apportait un panier de crevettes qu'il a pêchées. et grand-père l'a invité à en manger sa part. Ah, c'est différent. Sans bien comprendre pourquoi, Maurice fut dépité de cette invitation. Bientôt le docteur arriva avec Audrène et l'on se mit à table. Mais ce sentiment de surprise de voir Audrène était si naturel que Martel lui-même le partagea. « Tiens, dit-il, vous êtes donc des nôtres, jeune armoricain. » Audrène était souriant. L'invitation du docteur l'avait rendu heureux comme il ne l'avait point été depuis longtemps. Ces simples mots, « Vous êtes donc des nôtres », le frappèrent douloureusement. « Des nôtres, se dit-il. Suis-je donc devenu si vite un étranger dans cette maison ?» Et relevant les yeux, il s'aperçut, ce qu'il n'avait pas vu tout d'abord, tant sa joie l'absorbait, qu'il y avait un changement dans les arrangements ordinaires. Maurice occupait la place de M. de Tréfléant et Martel la sienne. Alors, regardant celui-ci et répondant à ses paroles qui étaient déjà presque oubliées, « Est-ce que je vous dérange ?» Martel resta stupéfait. Mais le docteur intervenant, « Comment dérangerais-tu quelqu'un ici? N'es-tu pas de la famille ?»« De quelle famille? De l'ancienne ou de la nouvelle? Que veux-tu dire ?»« Mon Dieu, on sait si vite d'être une famille, on est si vite remplacé. Et le lendemain du jour où on a quitté une maison, quelquefois on y retrouve des visages nouveaux qui sont plus de la famille que vous. » « Si tu le prends comme ça, interrompit le docteur, fais-moi le plaisir de te taire. C'est ce que le chef de la famille te demande. » Audrène se tut et se plongea dans son assiette. Mais tout en mangeant, il reportait les torts de Maurice et les siens propres sur Armande. Car si cette querelle avait eu plus que de la vivacité, c'était à cause d'elle, parce qu'elle était en jeu, parce qu'elle était présente. C'était donc à elle, avec la déraison logique de la passion qu'il en voulait, et en proie à une sourde colère, il cherchait comment il lui ferait sentir tout le déplaisir qu'elle lui en avait causé. Au dessert, cette occasion se présenta. Rien suffit quand tout le monde est mal disposé. Or, tout le monde, même Martel, était mal disposé pour Audrène. Armande seule voulait lui ménager un moyen de se montrer aimable, en lui donnant elle-même une marque de sympathie. Il y avait dans le buffet de certaines confitures qu'elle avait faites et qu'elle avait si bien réussi, que le docteur les avait surnommées par excellence les confitures d'Armande. Aussi les ménageait-on. Elle se leva et les atteignit, puis, plaçant le petit pot en verre devant elle, elle dit coquettement « Voici mes confitures, qui m'aime en prenne ?» Et la première personne à qui l'en offrit, ce fut Audrène. Celui-ci resta un instant indécis, trembla l'occasion qu'il cherchait, mais comme il tenait son assiette à la main « Merci, mon garçon, lui dit le docteur qui s'y trompa. Armande pâlit imperceptiblement, mais croyant à un malentendu ou à une distraction, elle lui offrit encore la seconde assiette. Cette fois, il la passa résolument à Martel. Elle comprit, le regarda, et d'une voix brève, « Vous n'en voulez pas » dit-elle, et elle tendit l'assiette à Maurice. « Eh bien, tu n'es pas à moitié dégoûté, mon sauvage, » dit le docteur. « Il fait bon t'inviter à dîner. » Le reste du dîner s'acheva sous cette impression, et le soir, lorsqu'Audrène fut partie, Martel ne fit que traduire le sentiment général en disant « Je ne sais pas s'il est dégoûté, ce beau garçon-là. Dans tous les cas, il n'est guère aimable. »« Non, certes, il n'est point aimable, » se répétait Maurice. « Mais pourquoi est-il ainsi? Que lui ai-je donc fait ?»« Car c'est bien évidemment à moi qu'il en voulait. » Et il chercha à se remémorer les sujets de plainte, les griefs qu'il avait donnés à Audrène, et avec la meilleure volonté du monde, ceux qu'il rencontrait étaient si minimes qu'il ne pouvait ni légitimer ni expliquer cette mauvaise humeur. Un seul point demeurait obscur au fond de son âme, et ce point, il n'osait y porter la lumière. Une rivalité d'amour, une commune prétention au cœur d'Armande pouvait être, devait être, il le sentait, le véritable mot de cette énigme. Mais il ne voulait pas que ce pressentiment devînt certitude. Il faisait taire sa raison, il se refusait à l'évidence, et préférait une obscurité pleine de troubles et d'inquiétudes à une clarté éblouissante et douloureuse. Pour arriver au fin fond de son cœur, il n'avait plus qu'un degré à descendre, mais, comme un enfant peureux, il s'y tenait assis et cramponné, n'osant aller plus loin. Il fallut en venir là, mais ce ne fut pas sans humiliation qu'il s'avoua lui-même ce qu'il ne pouvait plus méconnaître, il aimait Armande. Plus d'une fois il rougit de sa défaite, plus d'une fois il se méprisa de ressentir un nouvel amour, après avoir cru son malheur si grand qu'il en devait mourir. Plus d'une fois il se jugea faible, inconstant et lâche, mais toujours il fut ramené à la vérité, et cette vérité c'était que sans pouvoir oublier Marguerite, il aimait, il adorait Armande. Cependant, telle est l'hypocrite habileté de l'orgueil qu'il sut bientôt trouver des excuses pour justifier cet aveu. Il se dit que c'était du prix à lui de s'enterrer dans sa douleur, sans essayer de s'en guérir, et que la vengeance la plus cruelle à tirer de Marguerite, ce n'était pas de mourir en lui laissant des remords plus ou moins terribles, mais de vivre en se consolant et en se réjouissant dans un nouvel amour. Dès lors, il s'y consola et s'y réjouit. Presque sans transition, il passa de la contrainte à l'abandon. Et toutes ces petites joies si séduisantes lorsqu'on aime, ces innocents plaisirs que, par un mélange de délicatesse et de fausse honte, il s'était toujours refusé, il les accueillit et les rechercha. Il aimait, il se l'avouait, il s'en réjouissait. Il fit, sans scrupule, toutes les charmantes niaiseries qui rendent les amants si heureux. Devant le regard d'Armande, il ne détourna plus les yeux. Au piano, il ne les ferma plus pour ne la point voir. Au lieu de s'éloigner d'elle, il s'en approcha, saisissant toutes les occasions de frôler sa robe ou d'effleurer ses mains. À table, il inventa mille ruses pour ne prendre que ce qu'elle avait touché. Et pour rencontrer ses doigts sous une assiette, il risqua de ridicules hardiesses qui lui donnaient des battements de cœur. Partagé entre un amour naissant et ce qu'il considérait comme un devoir, il avait toujours redouté les promenades au bord de la plage, où le hasard amène si souvent des tête-à-tête, où tout parle d'amour et de poésie, et le bruit de la vague, et le calme de la mer, et le bleu du ciel et l'infini de l'horizon. Ce fut lui, le premier, qui désormais les proposa. Le matin, longtemps avant qu'elle descendît, armée d'un livre, il alla se poster sur un banc du jardin, juste en face de sa chambre. L'endroit était triste et nu, il y en avait cent autres plus ombreux. Mais c'était de là seulement qu'il pouvait bien l'apercevoir lorsque, s'éveillant et à moitié vêtue, elle poussait ses jalousies, s'accoudait sur l'appui de la fenêtre, ouvrait ses yeux encore lourds à la lumière du soleil levant. Ainsi placé, il était le premier à lui envoyer, de la main, une affectueuse caresse, et c'était sur lui qu'elle laissait tomber son premier regard et son premier sourire. Le soir, il prit l'habitude de revenir sur ce même banc. Aux ombres indécises qui couraient sur les rideaux, il put, à travers les vitres, la deviner dans sa chambre, la voir allant et venant jusqu'au moment où s'éteignait la lumière. Lorsqu'il traversait les corridors, au lieu d'étouffer le bruit de ses pas, il le rendait plus fort et plus distinct. En lui-même, il rougissait de cet enfantillage, mais il y avait dans sa honte trop de bonheur pour qu'il y renonçât. « Elle m'entend, se dit-il, elle pense à moi. » Ces enfantillages étaient les grands bonheurs de sa nouvelle vie. Mais tout n'était point enfantillage dans ce bonheur. Depuis qu'il aimait Armande, il se faisait en lui des changements qui le remplissaient d'espoir. Sa passion pour Marguerite l'avait rendu impatient, susceptible, égoïste, brutal dans ses pensées, cynique dans ses convoitises, inquiet et tourmenté même dans ses plaisirs. Sa trahison lui avait fait tout prendre en dégoût et en haine. Il était tombé, pour ce qui l'entourait, dans une morne indifférence, et pour lui-même, dans un implacable mépris. Insensiblement, ce mépris et cette indifférence avaient disparu devant son amour naissant. Il était redevenu jeune, passionné, dévoué à ceux qu'il aimait, compatissant à ceux qui souffraient. Il avait espéré, il avait cru en lui, il était parvenu à s'aimer et à s'estimer encore. Et maintenant, en son âme, il s'enorgueillissait d'un amour qui, en l'épurant, le grandissait à ses yeux. C'était surtout le sentiment de pureté de cet amour qui l'enthousiasmait, et lorsqu'il le compara aux ardeurs, aux entraînements, à l'érotisme qu'il avait naguère ressenti près de Marguerite, il mesura pour la première fois la distance qui sépare la jeune fille de la femme, l'innocence du savoir, la jeunesse de la beauté. Dans Armande, dans sa chair comme dans son esprit, tout avait le charme indicible des choses qui commencent. Le charme de l'enfant, celui de la fleur qui s'entr'ouvre, celui de la belle et chaude matinée qui, la première, annonce le printemps. Marguerite l'avait entraîné par sa splendide beauté, par ses riches toilettes, par ses savantes poses, par ses hautaines manières, par son élégante originalité, par son esprit. Armande le ravissait par sa gentillesse spontanée et naïve, par sa fraîcheur, par sa grâce, par sa franchise, par sa simplicité, par la pudeur qui se trahissait dans chacun de ses gestes, dans chacun de ses regards, et même dans ses attitudes de repos. Marguerite, au temps de leur folie et au milieu des splendeurs du luxe, traînant après elle une longue robe lamée d'argent, les épaules nues, les seins découverts, la chevelure constellée de diamants, les bras entourés de pierreries, les lèvres rouges, la bouche provocante, les narines gonflées, les yeux étincelants, venant à lui, l'enlaçant de ses deux bras et s'abattant contre sa poitrine, le pâmait de désir. Armande, pour le pénétrer d'une joie ineffable, n'avait qu'à paraître vêtu d'une petite robe de toile chastement montante et pleine de grâce dans sa simplicité, si elle le regardait en souriant, pour la journée entière il gardait une indicible émotion. Près de Marguerite, il avait toujours été fiévreux et tourmenté. Près d'Armande, il était toujours calme dans sa joie, doucement et pleinement heureux dans son bonheur. Et si parfois, en étant seul avec elle, il avait encore d'irritantes pensées, les coupables étaient ses souvenirs et les leçons de Marguerite. Car, sans ces leçons, il n'eût jamais regardé si chaudement cette jeune fille. Sans ses souvenirs de volupté, il n'eût jamais recherché des furtifs serrements de main qui, malgré lui, l'enflammaient, et des contemplations qui lui troublaient la tête et lui brûlaient les veines. À mesure que son amour grandit, ce fut à éteindre ses désirs dont il rougissait pour Armande qu'il appliqua ses efforts. Rassasié de jouissance et de volupté matérielle, il voulut connaître enfin les chastes délices d'un amour idéal, faire de la poésie en action et jouer sérieusement, au milieu de nos mœurs positives et de nos habitudes de satisfaction immédiate, le rôle d'amant désintéressé. D'ailleurs, cet amour n'était-il pas le seul qui lui fût permis? Armande, lors même qu'il le voudrait, l'aimerait-elle jamais? Ne serait-ce point à lui la plus basse des lâchetés que de séduire cet enfant, la joie et l'orgueil d'un vieillard qui pour lui avait été un père? Tout lui ordonnait, son cœur et son devoir, de dégager sa passion d'espérances irréalisables, d'aimer Armande sans lui laisser comprendre qu'il l'aimait, et quand il serait venu le jour de la séparation, de partir sans avoir trahi son secret, emportant dans son âme un pur souvenir qui le soutint dans la vie, et lui rappela qu'il y avait dans ce monde autre chose que mensonge, hypocrisie et corruption. Sans la rivalité qui s'était engagée entre Audrey et lui, il eût peut-être obéi à ce devoir, mais s'éloigner, n'était-ce pas paraître reculé devant ses dédains et aussi s'amoindrir dans l'esprit d'Armande? S'il n'y avait pas là un motif pour le retenir à Pleurac, il y avait au moins un prétexte. Il voulait bien sacrifier son amour naissant à l'honneur et au devoir. Il ne lui convenait pas de sacrifier son orgueil et sa dignité à un grossier paysan. La passion a de spécieuses raisons au service de ses hypocrisies. Déterminé à partir, il devait, avant de fixer ce départ, donner une bonne leçon à Audrey. Il le devait, et pour sa jalousie, et pour sa vanité, car la lutte sourde qui, dès son arrivée, s'était engagée entre eux, se renouvelait maintenant chaque jour à propos de tout. Battu dans les choses de l'esprit, humilié dans sa timidité, atteint jusqu'au vif dans son ignorance, Audrey s'en était vengé en faisant naître des incidents où il pouvait l'emporter à son tour et montrer sa supériorité, et ces incidents, grâce au genre de vie qu'on menait, se présentaient très souvent. Presque tous les jours, on faisait des promenades le long des falaises, et chacun emportait un fusil pour abattre les fraots et les goélands qui, sur ces côtes rocheuses, se rencontraient par troupes. Comme on va au tir pour montrer sa sûreté de coup d'œil et son habileté de main, ils allaient à la chasse des oiseaux de mer. Entre le docteur et M. de Tréfléant, il n'y avait qu'une assez tiède rivalité. Entre Maurice et Audrey, il en était autrement. C'était à qui tirerait le premier. Ou bien Audrey, étant devancé, attendait que Maurice eût manqué une pièce, et quand la distance était devenue assez grande, quand on s'était bien assuré que l'oiseau n'avait point été atteint, il épaulait son fusil et rapidement, sûr de lui-même, comme un maître donnant une leçon, il pressait la détente et ordinairement la pauvre bête bondissait aussitôt, vacillait quelques secondes et tombait à la mer. Les ailes étendues, elle flottait sur la lame et autour d'elle, ses camarades venaient tournoyer en criant. Audrey ne savait pas cacher sa joie et il priait Armande, chargée de marquer les coups, de ne pas oublier cette victoire à son compte. Souvent aussi on se réunissait pour prendre des bains tous ensemble. Quand la mer était calme, l'infériorité de Maurice n'éclatait point trop, et s'il le cédait en légèreté, en force et en rapidité, il l'emportait dans ces drôleries qui font l'admiration des écoles parisiennes et que dédaignent les nageurs habitués aux colères de l'océan. Mais lorsque le vent soufflait du nord, lorsque la vague arrivait menaçante et rapide, lorsqu'avant de se briser sur la plage elle se creusait, haute et écumeuse, et s'abattait avec fracas sur les galets qu'elle attirait et rejetait avec elle, Audrey triomphait de toute la puissance que donne la témérité unie à une longue habitude. Avec une jeunesse inconnue de ses vieux amis, Maurice eut tout simplement avoué son ignorance. Mais quand tout le monde savait que ses exercices lui étaient familiers, et qu'autrefois même il y mettait une certaine prétention, il ne pouvait reculer. Forcé d'accepter le combat, il souffrait d'être vaincu devant Armande. Pour échapper à ces luttes qui l'humiliaient, il proposa à celle-ci de consacrer plus de temps aux leçons de piano. La fête de M. Michon approchait. En travaillant bien, on pourrait lui faire une surprise. Pour le travail, il n'y avait qu'à doubler les heures qu'elle lui donnait. Pour la surprise, il n'y avait qu'à s'enfermer et à n'admettre personne qui pût révéler ses progrès. Elle accepta avec joie, inquiète seulement de trouver un moyen pour éloigner Audrenne qui, presque toujours, s'arrangeait pour assister à ses leçons. La première fois, elle l'envoya au village sous le prétexte d'une commission à faire. Mais le lendemain, lorsqu'elle le vit, à l'heure de la leçon, s'installer dans le salon, elle demeura embarrassée. Comment lui dire d'une manière convenable « Allez-vous-en, vous me gênez ?» Il avait pris un livre, et sans lever les yeux, il tournait les feuillets toujours régulièrement. Cependant approchait le moment où Maurice allait venir. Elle le savait, elle le sentait, elle ne trouvait rien. Enfin, comme s'il eût assez joui de cet embarras, il ferma son livre. « Pourquoi donc, dit-il, n'êtes-vous pas franche avec moi ?» Elle fit un geste d'étonnement. « Pourquoi n'avez-vous pas le courage de me dire de m'en aller puisque vous en avez le désir ? Vous attendez M. Berthaud et je vous gêne. »« Ce n'est pas parce que j'attends M. Berthaud, répliqua-t-elle assez sèchement, que vous me gênez, c'est parce que j'ai à travailler. » « Est-ce donc aussi parce que vous avez à travailler que vous me fuyez et que vous ne me parlez plus ? Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire que depuis que ce monsieur est ici, je n'y suis plus rien, moi. Ce n'est pas votre cœur qui parle, c'est l'envie. Peut-être. Mais si l'envie, chez ceux qui ont toujours été heureux, ne mérite que la haine, elle devrait bien, à moi, ne me mériter que la pitié. Cependant, vous êtes sans pitié pour moi. Armande, vous êtes bien changée. » Il releva les yeux sur elle, elle ne le regardait pas, elle regardait la pendule. « Ah ! S'écria-t-il, vous ne m'écoutez même pas. » Et il courut vers la porte. Au même instant, Maurice la poussait pour entrer. Ils se trouvèrent en face l'un de l'autre. Audrenne s'arrêta, quelques secondes, immobile, barrant le passage. Puis, tout à coup, en se reculant, « Ah ! Vous êtes bien exact. On voit que vous avez couru le cachet. » Armande s'élança vers Maurice. « Monsieur Berthaud, » dit-elle. Maurice, l'ayant regardé, alla au piano et l'ouvrit. Elle vint s'asseoir près de lui. Audrenne les enveloppa d'un regard terrible, resta indécis un moment, puis, faisant un geste désespéré, il sortit. Sans dire un mot, ils se mirent au travail, et ce jour-là, il n'eut entre eux ni rire, ni contemplation, ni distraction. Pour Audrenne, ce mois de travail fut un mois de torture. En voyant les craintes qu'il avait conçues se réaliser si promptement, en voyant surtout ce mystère qui annonçait une complicité qu'il ne croyait que trop bien comprendre, il tomba dans une tristesse morne, et après avoir plusieurs fois, mais toujours inutilement, tenté de rompre ses éternelles tête à tête, il cessa de venir. On ne le vit plus que les soirs, plus triste et plus sombre qu'il ne l'avait jamais été. Pour Maurice, ce mois de travail fut un mois de bonheur. Délivré d'Audrenne, oubliant Marguerite, il voyait Armande. Il ne lui parlait pas d'amour, mais il la regardait, et dans son cœur, il sentait descendre la joie et le ravissement. Il croyait sa passion sans espoir, mais en écoutant cette voix adorée, en rencontrant ce regard chaste et tendre, il était si pleinement heureux qu'il ne voulait rien au-delà, et qu'il prenait en mépris ses plaisirs d'autrefois. Le travail avait créé entre eux une douce intimité. Le mystère avait aussi créé une sorte d'entente involontaire, et d'un mot, d'un geste, d'un regard, ils se comprenaient comme deux coupables. Leur cœur avait trouvé une langue, leurs yeux savaient se parler. La fête arriva. On déploya au château une activité inaccoutumée. Il y eut quelques jours avant de mystérieuses confidences. On cueillit des fleurs en se cachant, et dans la cuisine, Marie-Ange, Louise et Jeannette coururent çà et là avec un empressement qui, chez des Bretonnes, en disait plus que de longues explications. Les fourneaux rougissaient sans cesse, et dans les buffets on entassa des crèmes et des pièces froides montées et moulées à l'avance. Au milieu de ces préparatifs, le docteur allait et venait, avec un air qu'il tâchait de rendre innocent, et faisait tous ses efforts pour paraître n'avoir rien deviné. La veille, on dîna comme à l'ordinaire, et à peine était-on au dessert, que les amis commencèrent à arriver. L'abbé avait endossé sa belle soutane, et M. de Tréfléant portait à sa boutonnière sa brochette de décoration. À 7 heures, tout le monde était réuni dans la salle à manger, et par les fenêtres ouvertes, on apercevait sur la mer le soleil qui descendait à l'horizon. On causa quelques instants avec assez d'embarras, puis, quand le soleil ne fut plus qu'un globe sans rayon, immergeant déjà dans les flots, M. de Tréfléant et l'abbé se levèrent et s'approchant du docteur qui s'efforçait de garder encore son air narquois. « Mon vieil ami, dit l'abbé, nous vous souhaitons une bonne fête. » Puis ce fut le tour d'Audren, puis celui de Martel. Comme le docteur, assez étonné de ne pas voir Armande, la cherchait des yeux, on entendit le piano résonner dans le salon, et une voix s'éleva, une voix douce, émue et un peu tremblante, qui chantait. Robert disait à Claire, « Je t'aime avec ardeur. » Aux premières mesures de cet air qui lui rappelait tant de souvenirs, le vieillard fut pris d'un tremblement nerveux, puis les larmes commencèrent à couler le long de ses joues, et quand la voix eut répété le refrain, ne pouvant plus se contenir et sans attendre le second couplet, « Armande » s'écria-t-il. Elle accourut et se jeta dans ses bras. Il la tint longtemps serrée, puis, tendant la main à Maurice, il la tira aussi sur sa poitrine, et les réunissant dans une même étreinte, il les embrassa tous deux. « Oh, mes enfants, disait-il, que vous êtes bons pour votre vieux père, et quelle joie vous lui donnez !» Il les remercia encore et les embrassa tendrement. Leurs joues étaient baignées de ses larmes. Quand ce premier moment de joie fut un peu calmé, M. de Tréfléant proposa de sortir, car lui aussi avait préparé son coup de théâtre. On vit bientôt des flammes de Bengale qui s'allumèrent dans tout le jardin et l'emplirent de lueurs rouges et vertes qui éblouissaient les yeux. C'était sa surprise. La soirée était splendide. La lune ne se montrait pas encore, mais le ciel, sans nuages, laissait tomber une clarté bleuâtre et transparente. La mer battait doucement au pied des falaises et la faible brise qui soufflait de la plaine apportait une nourrissante odeur de blé mûr. Par les allées du jardin, on se mit à se promener, et lorsqu'on fut arrivé dans le bois où des pièces d'artifice brûlaient encore, Armande resta quelques pas en arrière auprès de Maurice. Elle voulait aussi le remercier et lui dire sa reconnaissance. Demeurée seule avec lui, elle ne put trouver une parole. L'émotion lui gonflait le cœur, et comme Maurice, non moins ému qu'elle, n'osait rien dire de peur d'en trop dire, ils marchèrent quelques instants côte à côte et en silence. Puis, comme s'ils eussent tous deux en même temps compris les dangers d'un tête-à-tête dans l'état d'exaltation où ils étaient, ils se mirent à courir pour rejoindre le groupe des promeneurs. Aux dernières clartés des flammes de Bengale agonisant dans les massifs, ils allaient rapidement. Tout à coup, celle de ces flammes qui les éclairaient s'étant brusquement éteinte, Armande, qui courait la première, disparut aux yeux de Maurice. Il entendit un cri et la chute d'un corps dans l'eau. Elle venait de tomber dans un bassin creusé à fleurs de terre et où le docteur cultivait une collection de plantes aquatiques. Aussitôt, s'élançant après elle, il la chercha un peu à tâtons car il avait les yeux éblouis. Comme le bassin n'avait que 2 ou 3 pieds de profondeur, il la trouva facilement. Et la déposant sur le bord, sortant lui-même de l'eau tant bien que mal, il la prit dans ses bras et se dirigea vers la maison. À toutes ces paroles, elle restait sans répondre. Cependant, la tenant serrée contre sa poitrine, il lui sentait le cœur qui battait faiblement. Il arriva à la maison. Dès avant la porte, il appela. Personne ne répondit. Les domestiques étaient à regarder le feu d'artifice. Alors, s'approchant d'une lampe qui brûlait dans le vestibule, il mit la tête d'Armande sous le foyer de la lumière. Elle était pâle, ses yeux étaient fermés, ses lèvres à demi ouvertes, ses cheveux ruisselaient. Il lui mit la main sur le cœur. Il battait un peu plus fortement. Il s'approcha de sa bouche et il sentit le souffle de la respiration. Ne sachant que faire, et la tenant toujours sur ses bras, il résolut de la porter dans sa chambre. Avec précaution pour ne pas lui heurter la tête, il monta l'escalier. En tâtonnant, il trouva la porte, et guidé par la blancheur des rideaux, il aperçut le lit. Mais, prêt à la déposer sur ce lit, il s'arrêta. Ce corps qu'il avait serré sur sa poitrine, sa course haletante, ses émotions de la journée, sa jeunesse, ses désirs, son amour, lui avaient enflammé le sang. Penché sur elle, sentant son haleine qui lui caressait le visage, il appuya ses lèvres brûlantes sur les lèvres glacées de la jeune fille et il la laissa aller sur le lit. Alors ses lèvres, qu'il croyait inanimées, s'ouvrirent aussi et faiblement elles murmurèrent « Oh, Maurice, Maurice !» En entendant cette voix qui prononçait son nom, plutôt avec amour qu'avec colère, il hésita. Il était seul, personne ne viendrait, il l'aimait. Il fit quelques pas en avant, mais prêt à la reprendre dans ses bras, il se releva, et fermant brusquement les rideaux, il sortit de la chambre en courant. Au bas de l'escalier, il trouva Audren qui les cherchait. « Où est M. Michon ? cria-t-il. « Armand est tombé dans le bassin. » Audrey le regarda un instant, mais ce n'était pas le moment d'une explication. Il fallait trouver le docteur. 3 minutes après, il arriva. Pour qu'il pût monter l'escalier, M. de Tréflant fut obligé de le soutenir. Mais bientôt, il redescendit un peu plus calme, et l'annonçant aux amis effrayés qu'il n'y avait aucun danger, que l'eau avait amorti la chute, que la défaillance était passée et que la circulation se rétablissait.